Savalia, Sauralia, dans les mers de la vie, dans les mers de la connaissance. Savalia, Sauralia, loi la dimension extracorporelle, mais la dimension intrinsèque a navigué de millions de livres sous-marines. Certains temps ont prévu qu'il extracorporel limite de millions et de millions de mètres cubes de mers infinies. La mission qui a été recommandée? Impossible. Nous voyons les dangers, savent l'aider. Et enfin, les dangers dans son infinité existaient. Mais lorsqu'elle les reçut, on était profondément établi. La nourriture a coulé. Ils ne se sont pas réduits comme que les mers et les courants étaient chroniques et multivismés. En tout cas, les limites qu'ils voulaient pas très longtemps. Non ne prétendons pas que les acoustiques sont lus. Non prétendons que les mers subissent les courants et que leur dimension intrinsèque limitée ce que doit être limité. Dans les mers de la vie, dans les mers de la connaissance, ça va l'éa et ça aura l'éa. Loi la dimension extracorporelle, mais la dimension intrinsèque a navigué de millions de lits sous-marines. La mission s'est recommandée. Jules César, le cas.